donne du bonnet. Rap mafioso, mais qu'est-ce qu'on connaît? Hey yo, hey yo man, tu sais que c'est chaud, une image à porter. Rester vrai, ne pas être cette image importée. Forte certes, mais fausse, photo truquée. Faussaire d'aspect, style troqué. Rapper abusé, pas percé. Pour percer ne serait-ce qu'une raclée. Mes gars au raclo, qui met des fessées. Raclé au Tommy, qui se prennent pour des Montana MC, avec des bombes anatomiques, même si leurs femmes les attendent avec les mots mal assommés. Me préfère la muscu, Châtelet, basse isonnée. Rentrée foncée, touche la paix, à l'espioter. Pensant qu'au chlapé, fringue de main, ils vont porter. Prennent du bédo que quand ça fait bien devant les gadgets. Accro du roro, ils en voudraient jusque dans les chicots. Pour ça tout bon, c'est la classe, tu la tiens bien. Mais quelles sont tes priorités, mec? Les biens ou les tiens? Aujourd'hui, tout de rappeurs disent porter un bang bang. Aimerait être un mafieux à la tête d'un gang gang. Ils sont petits que pour y arriver, faut être un ding ding. Ils méritent des bang bang, tomber sur des ten ten. Aujourd'hui, tout de rappeurs disent porter un bang bang. Aimerait être un mafieux à la tête d'un gang gang. Ils sont petits que pour y arriver, faut être un ding ding. Mérite que des bang bang, tomber sur des ten ten. C'est rap fort, trip ego, trip de ego, rap de l'ego. Just for string de go, que des dégâts. Quand des gars dégainent les guns, que de dégoût. Dégage des goûts amers en gueule. Le hip hop aujourd'hui, l'autisme, on dépend de l'altruisme. L'alchimie verbale remplace l'alchimie mentale. Mimétisme d'un nouveau monde, bien loin de notre réalité. Nous de quelques-uns, on en fait des généralités. On rentre dans les travers de ce portier. Est-ce que t'as pigé que des vrais cailles avec des guns? Dans le rap, y'en a pas par milliers. Mais quelle crédibilité peut-on donner à tant d'absurdités? Y'a des textes avec autant de fiction qu'on a au JT. Des fois, je me demande si les aînés pensent à leurs petits. Dis-moi, MC, ton sponsor ce serait pas Sarkozy. Aujourd'hui, trop de rappeurs disent porter un bang bang. Aimerait être un mafieux à la tête d'un gang gang. Ils sont petits que pour y arriver, faut être un ding ding. Ils méritent des bang bang, tomber sur des ten ten. Aujourd'hui, tout de rappeurs disent porter un bang bang. Aimerait être un mafieux à la tête d'un gang gang. Ils sont petits que pour y arriver, faut être un ding ding. Mérite que des bang bang, tomber sur des ten ten. Tu papillon, que je t'explique ce qui me désole. Mes papillons, plus de goût que les mecs du sol. Du macadam privilégie le style trop pourrave. Que l'underground ne sort plus des coffres, mais plus que des coffres. Aujourd'hui, c'est une image qu'il faut vendre ou jeter. Plus de concepts, j'en mets un dico, des rimes incitées. Un flingue, une VM, une panoplie à déployer. Mais peu de gars révolutionnaires prêts à se faire foudroyer. Pour une cause vraie, ça veut de la maille pour ça. En tout, ils sont préparés, en tout, ils sont préparés. Chacun fait ce qu'il a à faire, et ça j'entends bien. Personne ne pourra me faire taire ça, est-ce que tu l'entends bien? Soit qui tu es, personne d'autre, pas de style importé. Pas d'imposture, d'impotent, c'est trop dur à porter. C'est trop dur à porter. Aujourd'hui, tout de rappeurs disent porter un bang bang. Aimerait être un mafieux à la tête d'un gang gang. Ils sont petits que pour y arriver, faut être un ding ding. Ils méritent des bang bang, tomber sur des ten ten. Aujourd'hui, tout de rappeurs disent porter un bang bang. Aimerait être un mafieux à la tête d'un gang gang. Ils sont